Chapitre 20e. Amour s'ennuyait. Dans le grand jardin avec papy Roger, elle cherchait les fourmis. Mais bien vite, elle se lassait. Son père et son grand frère, depuis des semaines, ne jouaient plus avec elle. Nounou Louise était toujours occupée à la cuisine ou au ménage. Il ne restait que papy. Bien sûr, elle en apprenait des choses avec lui. Comment les abeilles faisaient leur ruche et donnaient du miel. Il en avait même installé une au fond du jardin. Tous les jours, elle courait voir comment ces jolis insectes en sortaient et les suivait partout. Elle avait demandé à papy ce qu'elle pouvait bien récolter de jaune sur leurs pattes. À présent, elle savait que cela s'appelait du pollen et que c'était une nourriture précieuse pour ces petites bêtes laborieuses. Papy lui avait même raconté que pour qu'elle puisse déguster simplement une petite cuillère de ce nectar, la petite abeille travaillait toute sa vie. Elle aimait son papy Roger. Il faut dire aussi que le couple Morin n'ayant pas eu d'enfant, cette petite fille faisait le bonheur de leurs vieux jours. Roger lui cédait tout, mais raisonnable. Elle n'en abusait guère. « Dis, papy, est-ce que mon papa et Ron vont bientôt venir? Il m'avait promis de m'emmener à la mer s'il faisait chaud. Il fait chaud, papy. » Le brave homme grommela. « Chaud, chaud, pas si chaud que cela. Tu ne pourras pas encore te baigner, petite. Moi, je trouve qu'il fait assez chaud. Ils doivent avoir beaucoup de travail, tu le sais. Oui, mais je ne les vois plus. Ils ne jouent plus à la balle ou à cache-cache avec moi. C'est pas drôle. Je comprends. Quand nous rentrerons, après avoir nettoyé mes outils, je te promets d'aller leur demander. Merci, mon papy. » Roger arrachait l'herbe parmi les fraisiers lorsqu'un petit mulot en sortit. Amour cria de surprise. « Regarde, papy, petite souris. » « C'est un mulot, enfant, une souris des champs. On peut l'attraper ? » « Et que veux-tu donc en faire ?»« Papa dit qu'il a toujours besoin de petites souris. » Roger se mit à rire. « Ce ne sont pas les mêmes. Et crois-moi, celle-ci est bien là où elle est. Laissons-la tranquille. Allez, viens, rentrons. Je crois qu'il est l'heure de ta leçon de piano. Lave-toi bien les mains et file. » La petite mit un gros bisou sur la joue de son papy Roger et, sans se faire prier, rentra. Cela faisait à présent plusieurs années que Jeremy et Ron étaient à la tâche et quelquefois sans en sortir pendant des semaines. Sans relâche, ils étaient dans leur labo, jour et nuit, au bord de l'épuisement. Nounou Louise leur servait même tout le repas sans qu'ils n'aient besoin d'en sortir. Elle grognait chaque fois qu'elle voyait les plateaux revenir sans qu'ils les aient touchés. « C'est pas raisonnable tout ça. Il va y avoir des problèmes si vous continuez à ce rythme-là, sans manger, sans dormir ou si peu. On ne vous voit plus. » Un lit était installé dans le labo et ils y dormaient chacun leur tour, se relayant sans cesse. « On n'y arrivera jamais, » dit Ron exaspéré, en jetant à terre une éprouvette. « Jamais !»« Calme-toi et va te reposer un peu, tu es épuisé. Et ce n'est pas ton travail, c'est le mien. Allez, va dormir. » « Je ne pourrai pas. J'ai trop de choses en tête. Ce fichu cancer est... Enfin, c'est une chose que je n'ai jamais vue jusqu'à présent. » « Ton traitement le rend stable jusqu'à un certain point. Tu crois que tu as trouvé et puis il mute en quelque chose de complètement inconnu. » « C'est ce qui fait sa dangerosité. C'est pour cette raison qu'il y a des gens comme nous sur cette terre, pour essayer de réparer les erreurs des autres et trouver des remèdes en bossant comme des malades. Il faut croire. Bon, repose-toi, j'y retourne. » Quelques heures plus tard, Jérémy, qui tombait de fatigue, s'endormit sur la paillasse du labo. Son rêve fut étrange. Il se revoyait dans le tunnel, puis glisser vers Harmonie, et d'un seul coup, il devait revenir en arrière. Il se tournait vers elle, et avant de réintégrer son corps, lui criait que bientôt il la rejoindrait. Elle lui souriait en retour et opinait de la tête. Il se réveilla en sursaut, sous la main de Ronnie qui le secouait doucement. « Écoute, je voudrais faire une pause, si pour une fois ce soir on dînait avec Amour. »« C'est une bonne idée, mon fils. Je vais prendre une douche et je vous rejoins à table. » Le dîner fut joyeux. Amour babillait et semblait avoir retrouvé tout son entrain d'enfant insouciant. Jérémy songea qu'il devrait, après ce travail, rester un peu plus avec elle. Il ne fallait pas la laisser grandir seule. Un enfant a besoin de ses parents et elle n'avait plus que lui. Un énorme poids lui pesait sur les épaules. L'épidémie commençait à faire de sérieux ravages dans le monde. Bien sûr, une enfant de cet âge ne pouvait le réaliser et c'était bien mieux ainsi. Elle aurait bien le temps, en grandissant, de comprendre la folie des hommes. De retour au labo, un peu plus détendu, mais toujours aussi épuisé, les deux hommes reprirent leur travail. Au milieu de la nuit, soudain, Jérémie sursauta. Viens voir, demanda-t-il à son fils, regarde ça. Il prit l'éprouvette qu'il avait mise de côté juste avant le repas, la dernière expérience qu'il avait faite de la journée. Dis-moi ce que tu vois. Ron s'approcha et attentivement observa ce que son père lui montrait. Puis, incrédule, c'est bien ce que je suis en train de penser. Je le crois. Mais il faut recommencer encore et encore. Fais-moi voir ça. Je vais moi aussi expérimenter, et si cela s'avère exactement comme ce que tu viens de me présenter, ne dis rien, essayons. Jusqu'au petit matin, ils refirent sans arrêt la même expérience, et le résultat fut identique. Titubant de fatigue, les deux hommes tombèrent dans les bras l'un de l'autre et, pleurant de joie, dansèrent une sarabande dans le labo. Tu te rends compte, fit Ron, tu as trouvé. Oui, et désormais il faut faire vite. Je vais les appeler et leur envoyer. Ils vont vouloir contrôler et cela risque de prendre encore quelques mois avant que les essais soient approuvés. Monsieur Emerson, enfin, nous commencions à nous impatienter. Ronnie, trop fatigué et énervé, prit le combiné des mains de son père et répliqua vertement. Oui, eh bien, vous n'aviez qu'à venir au labo et bosser avec nous. Jérémie reprit son smartphone. Bien, nous constatons que votre fils a bien le même caractère que son père. Cela dit, nous avons reçu votre mail et prenons en compte ce résultat. Cependant, le plus urgent reste l'antidote. Nous vous l'avions pourtant bien spécifié. Où en êtes-vous? Jérémie entendit Ronnie bougonner. Mais bien sûr, toujours le fric avant tout. C'est écœurant. Malgré son épuisement, il dut relire ses notes à un autre chercheur à l'autre bout de la planète. Ce dernier le remercia et la conversation se termina aussi brutalement qu'elle avait commencé. « Je les déteste, » fit Ron. « Essaye de ne plus y penser et souviens-toi plutôt de ce dont je t'ai parlé. »« D'aimer sans condition ? Oui, mais là, franchement, je ne vois pas comment faire. »« Je comprends, mais même si je ne les porte pas dans mon cœur, ils t'ont sauvé la vie et ont donné quelques années de plus à Harmonie. Déjà, rien que pour cela, je ne peux les haïr. »« Pas facile, c'est vrai. » Mais j'admets que tu as raison. Je suis trop épuisée, et toi aussi, pour polémiquer. Allons dormir, papa. Lorsque Jérémie ouvrit les yeux, son réveil marquait 8h22, et la date lui indiquait qu'il avait dormi pratiquement 2 jours. 2 jours en 7 ans. Cela ne lui était jamais arrivé, et pourtant il se sentait encore si épuisé. Il s'étira. Il était heureux. Heureux d'avoir trouvé, heureux de pouvoir sauver tant de monde. Mais Harmonie n'était plus là. Il ressentait toujours ce vide intense dans sa poitrine. N'avoir pu trouver à temps ce remède lui pesait sur la conscience. Il ne comprenait pas non plus que sa fin eût été aussi rapide. Toutes les expériences qu'il avait menées jusqu'à présent ne faisaient le bilan de mort aussi soudaine. Le mieux, si l'on pouvait parler de mieux dans cette affaire, et qu'elle n'ait pas souffert autant que ceux qui avaient agonisé pendant des jours et dont il ne pouvait soulager les souffrances qu'en injectant une dose de morphine létale. Il ne dirait pas que pour elle, ce fut mieux de partir aussi rapidement, mais malgré tout, il le pensait. Une prémonition lui vint, la pensée que bientôt, très bientôt, il la rejoindrait. En attendant, il se leva, se doucha, et après avoir enfilé un jean et un t-shirt, descendit à la cuisine. Il aurait pu avaler un bœuf tellement il avait faim. Sur le seuil, il découvrit Ron, se régalant d'un plat de pâtes. « À 7 heures, » fit-il en riant. « Pas d'heure pour les braves, » répliqua ce dernier, la bouche pleine. « Mais si tu en veux, dépêche-toi. Je suis, selon ton expression, capable d'avaler la mer et les poissons avec. » Amour fit son apparition peu de temps après qu'ils eurent englouti toutes les pâtes. « Mon papa, » dit-elle, lui mettant les bras autour du cou et l'embrassant. « Ma chérie, je suis heureux de te voir. » Papa, tu m'emmènes à la mer aujourd'hui? Jérémie regarda son fils et lui fit un clin d'œil complice. Je dois travailler, petite, tu le sais. Oh, papa, fit-elle en gémissant. Jérémie fit encore semblant d'hésiter, puis il se leva. La tenant à bout de bras, il la fit virevolter. C'est d'accord. D'ailleurs, nous y allons tous. Il cria très fort. Madame Morin! Cette dernière arriva essoufflée d'avoir couru si vite. « Pourriez-vous nous préparer un gigantesque pique-nique »« Pour quand, monsieur ?»« Pour maintenant, Et pour 5 personnes, vous êtes de la fête, votre mari et vous. Laissez tout tomber pour aujourd'hui. Nous devons faire de cette journée une victoire sur la vie. Et ce soir, je vous invite au restaurant. Nous l'avons tous bien mérité. Nounou alla en grommelant préparer le super panier de pique-nique. En si peu de temps, que vais-je donc pouvoir mettre là-dedans? Son mari, qui avait tout entendu, sortit de la cave du saucisson, du jambon, du vin et lui dit: Cesse de rouspéter. Il y a assez à manger dans cette maison pour un régiment. Ils remplirent 2 paniers de victuailles, une glacière avec les boissons. Papy sortit la voiture et la petite troupe s'y engouffra. Direction la plage, chauffeur, demanda en riant Jérémy. Ils s'installèrent sur des plaides et l'après-midi se passa en course folle sur le sable, au bord des vagues. Un peu de bonheur commençait à renaître dans leur cœur.